Jean Fagot, on me surnomme, je suis un ancien. Oui, j'ai vu tomber plus d'un homme qui était malin. Maintenant que je sens que je calanche, je veux vous conter ce que j'ai vu depuis que sur la planche, je suis transporté. Il faut nous voir quand on turbine à se faire crever. Le corps s'armer de sa carabine pour nous braver. L'insulte aux lèvres nous bouscule, fatalité. Coucher la tête sous la férule, la transporter. La faim qui nous poursuit sans cesse au sort rideux fait naître plus d'une bassesse parmi les gueux. Le ventre creux fait la bourrique, quel sale métier. Il vendrait son père pour une chic, le transporter. Même le plus fort fait des courbettes, c'est effrayant. Car pour dresser forte tête et alors poussant, pour un seul mot, on nous terrasse sans hésiter. C'est comme ça qu'on se débarrasse du transporté. Faut pas songer à sa misère, à quel tableau. Comme tout le monde est célibataire, on cherche la peau d'un gars qui bientôt s'abandonne à volupté. C'est pour un mal qu'il se passionne de transporter. Plus d'un forçat quand la nuit tombe, triste et rêveur, voudrait voir s'entrouvrir la tombe à sa douleur. Pourquoi souffrir ainsi sans cesse, humanité? Supprime donc au mieux qu'il crève, le transporter. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Après cet intermède musical en direct de l'espace animation des Blancs Manteaux et du Salon du Livre Libertaire, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Delpech pour un ouvrage consacré à Alexandre Jacob, intitulé Alexandre Jacob, l'honnête cambrioleur, portrait d'un anarchiste 1879-1954. C'est un livre issu d'une thèse en histoire qui est publié aux éditions de l'atelier de création libertaire. Alors, c'est pas une thèse d'histoire très conventionnelle. C'est un ouvrage sur cette figure très importante qu'est Alexandre Jacob. Donc, bonjour Jean-Marc. Bonjour, oui. On est très content de te recevoir. Bonjour. Donc, alors, effectivement, je pense qu'il y a déjà eu plusieurs biographies qui ont été écrites par Alexandre Jacob. Et là, tu nous proposes quelque chose de différent, en fait, assez différent. Tu ne souhaites pas trop le présenter, finalement, comme un aventurier. Il prend une autre forme. Non, effectivement, le principe de base de la thèse, ça a été de sortir le personnage d'un contexte d'aventure. Il y a eu trois biographies d'Alexandre Jacob, une écrite par l'insurgent du vivant d'Alexandre Jacob en 1950, une écrite par le journaliste au Canard enchaîné Bernard Thomas en 1970, qu'il reprend dans une deuxième édition en 1998, et une écrite par l'avocat niçois William Caruchet en 1993. Et les trois biographies finalement dressent toutes le même portrait, celle qu'on connaît tous, hein, que tous libertaires connaissent, c'est-à-dire l'homme aux 150 cambriolages, l'homme qui va déclamer le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend, l'homme qui va faire 19 ans de bagne et qui se serait évadé ou qui aurait tenté de s'évader 18 fois, alors que dans les services d'archives on ne retrouve trace que de au moins 15 tentatives d'évasion. Bref, on a Arsène Lupin, on a Chéri Bibi, limite on a Papillon. J'hésite à dire on a Vidocq le bagnard, mais Vidocq était premier flic de France, ce qui est une guerre possible quand on imagine Alexandre Jacob. Et donc tout ça me paraissait trop gros, trop aventure, trop... Bref, ça correspondait pas à l'idée qu'on pouvait se faire du personnage qui se revendiquait de l'anarchisme. D'où pour toi, c'est un personnage vraiment politique. Oui, c'est un homo politicus. Hein, c'est quelqu'un à replacer dans l'histoire de l'anarchisme de d'après la propagande par le fait. Hein, à partir du moment où les lois scélérates sont pondues, il y a, j'allais dire, ce foisonnement de maisons anarchistes qui se développe, et il y a cette famille illégaliste. Hein, cette famille illégaliste qui commence bien avant la propagande par le fait, puisque c'est 1886 avec Clément Duval. Et on a Alexandre Jacob que Jean Métron va considérer dans son livre Le mouvement ouvrier, le mouvement anarchiste en France, comme le cas témoin de l'illégalisme. Parce que finalement, c'est le titre de ton ouvrage qui finalement propose, en honnête cambrioleur, une autre vision de Jacob, finalement. Oui, le but, une fois de plus, hein, c'est de montrer que le vol de Jacob n'est pas du vol en tant que tel, c'est un acte politique. C'est un acte politique, c'est le droit de vivre, hein, c'est la reprise individuelle, c'est le droit à l'existence, mais c'est aussi une œuvre de propagande. Hein. On sait qu'il a financé le Libertaire, en tout cas les locaux du Libertaire que gérait Mata à l'époque. Oui, hein, c'était pas pour lui personnellement. Voilà. Quoi. Non, d'ailleurs la police a toujours été stupéfaite de voir que ce personnage à qui la presse de l'époque, la grande presse bourgeoise qui est férue de ce phénomène d'insécurité, lui attribuerait au moins 5 millions de francs de l'époque, ce à quoi il répond que c'est beaucoup exagéré, la police est toujours étonnée de voir qu'il vit chichement, il se nourrirait dans les garnis du 11e arrondissement de Paris, du boulevard Voltaire et compagnie. Quoi. Bref, on a quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'aventurier de grand chemin qu'ont fait Thomas, Caruchet et Sergent. Donc c'est pour ça que ça te permet de dire que c'est un cambrioleur finalement honnête. Oui, oui, oui. Et fidèle à ses principes. Absolument. Et honnête dans le sens de l'honnête ouvrier, c'est ce qu'il affirmait à sa dernière compagne, Josette Passas, qui me l'a redit. Il allait au cambriolage tous les matins comme l'ouvrier va à l'usine. Hein, donc on est en présence de l'honnête artisan. Un artisanat qui consistait donc à instaurer le vol en moyen de réappropriation de ce que la société vole en fait aux producteurs. Absolument, il faut replacer le Alexandre Jacob dans le cadre de cette société post-révolution industrielle où on a cette lutte des classes qui oppose d'un côté la bourgeoisie galopante s'accaparant la production de l'ouvrier et on est dans la veine de tous ceux qui dénoncent cela. Quoi. Je ne vois pas pourquoi on considérerait un Jean Grave comme un dénonciateur et un homme politique, et on considérerait Jacob comme un simple voleur. Bref, on a quelqu'un qui énonce une théorie, et en ce sens, oui, Jacob est un théoricien du vol, et fait du vol une théorie politique, et alors que, finalement, hein, Sébastien Faure serait un bon rhéteur et pas un Jacob. Et il a écrit, Alexandre Jacob. Qu'est-ce qu'il a écrit? Parce que je crois qu'il y a aussi, on peut trouver une correspondance. Alors, oui. Y compris lors de son procès, ça a été retranscrit. L'un de ses procès, ça a été retranscrit. L'ensemble des écrits de Jacob ont été publiés par les éditions L'Insomniac en 1995 et en 2004. J'oublie bien sûr les petites rééditions des petits volumes, toujours chez L'Insomniac à couteau tiré, où on a à bas les prisons. On a les travailleurs de la nuit et extermination à la française qui correspondent grosso modo à la période des vols et au cambriolage. Maintenant, si je reviens sur les écrits en tant que tels, on a pour la période des vols des écrits qu'il va écrire, qui va produire à la prison d'Orléans en attendant son transfert au bagne, à Saint-Martin-de-Ré, d'abord à La Rochelle et ensuite en Guyane, qui sont les souvenirs d'un révolté. En fait, il a écrit que le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre de l'arrestation. Et là, si on confronte ce chapitre où il raconte son dernier cambriolage, celui de la nuit du 21 au 22 avril 1903 à Ville, qui se termine extrêmement mal, enfin extrêmement bien, puisque ça se termine par la mort d'un flic, finalement, on s'aperçoit en confrontant les sources que Jacob ne ment pas. Tout ce qu'il dit est exactement vrai et absolument pas exagéré. Bref, on a quelqu'un qui va raconter son histoire, qui va profiter de son écrit pour faire de la théorie. Parce que tout dans les souvenirs d'un révolté est une théorie de l'illégalisme. Donc il y a vraiment une cohérence entre la théorie Absolument. Et la pratique. Et en ce sens, il est conforme à ses idéaux et donc il est honnête. Cette honnêteté, donc, que tu décris, quelles en sont, est-ce que tu pourrais donner un peu quelques faits marquants de cette propagande par le fait, justement, dans ce qu'il a pu faire, en fait, des actes qu'il a commis. Alors, parmi les actes qui sont remarquables, alors déjà le mot remarquable va m'inciter à reprendre ceux qui ont fait les choux gras de messieurs Thomas et Caruchet. On va citer le vol de l'abbaye Saint-Jacques à Rouen, où Alexandre Jacob pratique laisse des petits billets, hein, de petits billets accusateurs qui signent Attila. Et dans l'église donc Saint-Jacques à Rouen, le billet dit Dieu des voleurs recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres. Alors on a quelques billets comme ça. Il ne laisse pas des billets partout. Hein. Il a dû en laisser 4 ou 5. Et à chaque fois, ils sont signés Attila. Alors je me suis souvent demandé pourquoi Attila, sachant qu'au bagne, il apparaît sous le personnage de Barabbas. Alors Attila, le fléau de Dieu. Barabbas, le roi des voleurs, le prince des voleurs, le mauvais larron, celui qui va être gracié à la place de l'infâme Jésus. Tout s'éclaire quand on comprend la généalogie de Jacob. Son père s'appelle Joseph, sa mère s'appelle Marie. Donc on a un trait d'humour qui est flagrant là. Et il s'en prend à la religion. D'ailleurs, il le dit, je ne m'attaquerai au procès d'Amiens, donc ça doit être sa cinquième ou sixième déclaration, je ne m'attaquerai pas à la religion parce que je ne marcherai pas sur un cadavre. La science l'a tué. C'est quand même preuve d'ironie, finalement. Ah oui, non, c'est quelqu'un qui a un sens de la répartie énorme, hein. Je prends toujours le cas du procès d'Amiens et toujours le cas de la religion. Un curé qui vient témoigner à la barre, il lui demande ce que cachaient les placards qu'il y avait dans la sacristie, et voyant le curé hésiter, il dit ben, je vais vous aider un petit peu. Il y avait des tableaux du genre Fragonard. Et évidemment, la presse complète a ressorti ce genre de répartie, et Jacob le sait. Bref, c'est une chose à double emploi. Alors pourquoi il fait ces réparties? Pourquoi il est aussi cinglant? Tout simplement parce que ça lui c'est un double rôle. Ça lui permet, un, de décharger les autres accusés en focalisant l'attention sur lui. Ils sont 23 accusés à Amiens, et certains uniquement pour des simples faits de recel. Alors on sait très bien qu'un Jacob va être condamné au bagne ou risque l'échafaud. On sait très bien qu'un bourg qui a tué l'agent Pruvot risque la guillotine. On sait très bien qu'un Pélissard qui les accompagnait aussi, etc., etc. En revanche, Marie Jacob, elle peut être acquittée, elle le sera. Jacques Sautarel, le bijoutier anarchiste qui a indiqué le coup de la rue Quincampoix, donc pas très loin d'ici, et cambriolage qui aurait inspiré Jules Dassin pour le film du Rififi chez les hommes, risque lui aussi d'être acquitté. Bref, Jacob focalise sur lui pour décharger les autres. Et le deuxième point, c'est qu'en focalisant sur lui, ça lui permet de placer des déclarations. Et on sait qu'à Amiens, il en a placé 8, dont la plus connue est celle du « Le pourquoi j'ai cambriolé hein, », dans laquelle il dit « Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend ». Et rien qu'une phrase comme ça montre qu'on est en présence d'une théorie du vol. Hein, c'est le droit naturel à l'existence. Et il en place une ou deux à Orléans pour son deuxième procès. L'avantage, finalement, de ton approche, de sortir Alexandre Jacob, finalement, de la figure du super-héros, réhabilite quand même tout un questionnement autour de l'illégalisme en soi, même, on pourrait dire, aujourd'hui. Ça me semble évident. Même s'il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une histoire de l'illégalisme, on peut le faire pour le passé, et il ne faut pas s'en priver parce que trop souvent on a confiné cette partie de l'histoire de l'anarchie dans un recoin où alors on montrait ces pratiques uniquement comme secondaire. Hein, ce qui est important, ce qui serait plus important, c'est les conférences d'un Sébastien Faure ou les écrits d'un Jean Grave, et surtout pas les vols d'un Jacob ou le meurtre d'un petit commis de banque rue Ordener. Alors que dans le même cas, après, bah, c'est bien facile de les ravacholiser, c'est-à-dire d'en faire des saints, quoi. D'en faire des saints ou des aventuriers, et ainsi de suite. Et justement, par rapport à ce que tu dis, quelle est la relation d'Alexandre Jacob avec ce qu'on pourrait appeler la mouvance anarchiste, hein, dans ses différentes composantes, et quel est le rapport que la mouvance anarchiste de l'époque a entretenu avec lui par rapport à cette propagande, par le fait, etc. Il est très ambigu le rapport, tout simplement parce qu'il y a les lois scélérates. Il faut savoir que quiconque fait un appel et elles sont toujours en vigueur, hein, elles ne seront qu'après-guerre, elles seront terminées qu'après-guerre. Quiconque va soutenir des voleurs, va faire de l'appel au meurtre, les lois scélérates lui tombent dessus et ça vous envoie directement au bagne. Je donne juste un exemple. Pour les années 1895-1896, j'ai fouillé aux archives départementales de la Gironde et pour le simple fait d'avoir hurlé « Abat les cognes » et « Abat la cognardise », un quidane s'est retrouvé avec 3 mois de prison sur le dos, en fonction des lois scélérates. Donc, par voie de fait, par voie de conséquence, on a le fait que Bell et les journaux libertaires de l'époque vont se taire. Pas tous. Le libertaire va pondre 3-4 articles favorables à Jacob, hein, dont celui de Victor Méry qui s'appelle L'erreur de Jacob, où il raconte qu'il se serait introduit dans le cachot de Jacob, qui piquerait une énorme colère, sachant qu'il n'a pas de soutien. Et l'erreur de Jacob, c'est ça, c'est d'être tombé à la... contrairement à Clément Duval, à un moment où la presse libertaire ne soutient plus le vol. Hein, c'est-à-dire qu'on considère le vol comme un parasite. On a la presse de Damien, la presse libertaire d'Amiens avec Germinal, qui lui le soutient à fond. Hein. Germinal est créé au mois de décembre 1904, c'est-à-dire 2 mois ou 3 mois avant le procès d'Amiens. Et Germinal va consacrer tous ses numéros jusqu'en décembre 1905 à Alexandre Jacob. Et à partir de décembre 1905, il commence à publier en feuilleton, alors c'est une tradition de l'époque, hein, même dans les feuilles politiques, de publier des feuilletons. Il commence à publier les souvenirs d'un révolté. Alors, sur Alexandre Jacob, donc, il y a ton livre là qui vient de paraître, et accompagnant ce livre, il y a un film qui a été réalisé aussi. Absolument. Et qui est lié à ton activité, alors, en fait, ou avec des gens qui sont autour de toi. Alors la rencontre s'est faite au moment où on a, avec l'insomniaque, publié les écrits pour la deuxième fois. Et on a pu rencontrer Laurent et Thomas, Laurent Termignon et Thomas Turner, qui étaient sur le projet d'un documentaire sur Alexandre Jacob. Et en discutant avec eux, on s'est aperçu qu'on était dans la même perspective de cet homo politicus. Et effectivement... c'était un reportage, enfin ils travaillaient totalement bénévolement, sans fond, ce qui explique la lenteur de leur tournage. Ils ont fait un reportage, un documentaire qui dure 26 minutes et qui synthétise absolument tout ce qu'a pu être le personnage. On apprend en 26 minutes tout ce que a pu écrire Bernard Thomas, William Caruchet, et sans qu'il y ait cet aspect d'aventure. Alors, l'aventure est reléguée derrière l'aspect politique. Absolument. Ce qu'ils ont réalisé aussi est parfait, puisqu'ils ont travaillé sur l'oralité, c'est-à-dire la rencontre avec les derniers personnages vivants ayant connu Alexandre Jacob. Alors bien sûr, il y en a qu'on ne voit pas, ou parce que leur témoignage n'apporte rien. Je pensais par exemple à quelqu'un comme Claude Nérand, qui est le président de l'Office du tourisme de Reuilly, qui prétend avoir connu Jacob, et puis on s'aperçoit en discutant que il l'a connu comme tous les gens du Berry, c'est-à-dire en tant que client de Jacob, quand sa mère l'a mené acheter des chaussettes mauves pour tous les paysans du Berry, ce qui fait dire, tiens, à Roland Hainaut dans son livre sur Reuilly, que à l'époque où Jacob vendait ses chaussettes mauves, la mode était aux azous bien avant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Chez les paysans du Berry. Et comment termine Jacob, alors ? Alors, justement, là aussi, c'est un des aspects du personnage qui est relativement intéressant, que j'essaye de mettre dans le livre et que Laurent et Thomas ont essayé de reproduire, à savoir que si on lit les 3 autres biographies, on s'aperçoit que c'est l'image de l'ermite. Après avoir eu l'image de l'aventurier, hein, du Arsène Lupin, on a l'image de quelqu'un qui est tellement fatigué, qui vit reclus sur l'ermite, le pays où il ne se passerait rien, d'après Balzac. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui est encore un épistolaire, un énorme épistolaire. C'est quelqu'un qui écrit des articles à défense de l'homme. C'est quelqu'un qui a une vie socialement intégrée. C'est tout sauf le prototype d'un ermite. Sans compter sa rencontre, évidemment, avec Josette Passas et la biographie avec Alaire Saint-Jean qui ouvre une autre perspective pour le bonhomme. Et tu es très soucieux d'ailleurs, à la fois de ne pas confondre, Alexandre Jacob avec un portrait d'aventurier, mais aussi vraiment de distinguer de ce que tu appelles le lupinisme, quoi, c'est-à-dire toute la référence à Arsène Lupin et toute cette Le fait de parler d'Arsène Lupin constitue un fonds de commerce. Je donne juste un exemple. Si vous trouvez le livre... Ou représentable peut-être quelque part ou quoi? C'est quoi le but des gens qui font ça d'après toi? Alors, si vous regardez le... ça s'appelle faire de l'argent avec un personnage historique. Hein. Trouver une accroche, hein, ça s'appelle honnête cambriolaire ou autre. Là, ça devient... C'est encore respectable. Dites Lupin alors que c'est faux et vous faites tout de suite... de l'argent avec. Grosso modo, prenez quelques biographies que ce soit. On va prendre Alain Sergent. Alain Sergent, un anarchiste de la Belle Époque, 1950, très bien. Il n'y a pas de rapport à Arsène Lupin. Très bien. Mais si on se plante, si on se reporte 13 ans plus tard, en 1963, on a un article de Gilbert Guilleminot et d'André Mahé dans Historia. André Mahé, c'est le vrai nom d'Alain Sergent, qui s'appelle Alexandre Jacob, l'homme qui a inspiré Arsène Lupin. Et à partir de là, ben, c'est le défouloir. C'est le défouloir. Je prends maintenant une autre biographie, celle de Bernard Thomas. Dans la première version, celle de 1970, il y a un chapitre qui s'appelle « Les 150 crimes de l'autre Arsène Lupin », où on respecte le principe de la biographie en histoire, ou alors on fait du roman. Et c'est ce que ces gens-là ont fait, quoi. Donc c'est vrai qu'on a presque envie de te remercier de donner ta contribution finalement à l'éclaircissement du personnage et du contexte dans lequel ça a été écrit, notamment effectivement pour penser aujourd'hui quel serait finalement l'illégalisme dans nos temps présents. Comment ça pourrait être entendu aussi, enfin, quand on voit que déjà historiquement ça pose toujours un problème. C'est toujours quelque chose qui dérange, même on pourrait dire dans les théories anarchistes elles-mêmes, quoi. Non, ce qui pose problème, c'est pas le rapport à l'illégalité, c'est le rapport à la légalité. Par voie de conséquence, c'est-à-dire que si on sort du chemin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère celui qui est sorti du chemin comme un des nôtres, ou ainsi de suite? Et je crois que les anarchistes ont répondu à ça. C'est Émile Armand qui écrivait « L'individu, l'illégaliste est-il notre ami ?» La réponse est oui, quoi. Oui, parce que... Et oui, il fait partie de l'histoire de l'anarchie, et ça, on peut pas le nier. C'est ça, finalement, la problématique de cet ouvrage et du documentaire de Laurent et Thomas. Oui, c'est finalement comment écrire une histoire de l'illégalisme, sachant que c'est toujours extrêmement difficile dans la mesure où on risque toujours finalement de mouiller, entre guillemets, les personnes qui peuvent être liées à cet illégalisme. C'est clair qu'on ne peut pas faire une histoire de l'illégalisme aujourd'hui. Ça entraînerait trop de conséquences. Je reviens sur Jacob. Quand Métron lui pose des questions... tente le rapprochement en vue de la thèse qui va produire sur le mouvement anarchiste en 1950, le rapport avec Métron, les lettres avec Métron datent de 1948. La première réaction de Jacob est très froide et dit: excusez-moi monsieur, mais comme il s'agit d'illégalisme, par mesure de précaution, je n'ai pas grand chose à vous dire. Et après il va finir par livrer quelque chose. On sait par exemple dans une des lettres de Métron, il y en a 7 ou 8, dans une des dernières, qu'il reproche à Léon Pélissard de ne pas avoir tiré sur l'agent Pruvot à Abbeville et d'être parti immédiatement, d'avoir fui. Ce qui a permis, enfin, guillemets sur le mot permis, ce qui a permis à Alexandre Jacob d'être obligé de se dépatouiller tout seul avec le cadavre d'un flic et un autre qui s'accrochait à ses pattes. Et c'est pour ça qu'Alexandre Jacob, qui n'était pas au courant dans la bagarre à Abbeville, à Pont-Rémy, pardon, le 22 avril 1903, Jacob ne savait pas que l'agent était mort et il l'a lardé de coups de couteau pour pouvoir s'en dégager. Oui, donc c'était assez concret pour ces questions-là. Voilà, et pour revenir sur cette question de l'illégalisme, maintenant on peut en parler. Il est clair qu'en 1948, il y en a encore qui sont vivants et c'est le principe de précaution qui prévaut. Je rappelle que la loi sur les archives prévoyait une ouverture des dossiers 100 ans après les faits. Aujourd'hui, c'est faisable. Rien ne nous interdit, nous, d'en parler et d'avoir un point de vue qui soit en rapport avec nos idées. Est-ce que toi, tu n'as pas rencontré d'obstacles, par exemple, dans ton travail sur, sur les archives, etc.? Si, bien sûr, mais avec des dérogations, on peut ouvrir des dossiers. Le seul obstacle, hein, et c'est là où on s'aperçoit, le sujet est intéressant sur le thème de la falsification historique. Parlons de Bernard Thomas qui dit avoir eu entre les mains le dossier d'instruction du procès d'Amiens du 8 au 22 mars 1905. Il y a eu un an et demi d'instruction et le dossier ferait 25 000 pièces. L'acte d'accusation aurait 160 pages. 160 pages, c'est avéré. Les 25 000 pièces aussi. Mais on les a plus. Il a disparu. Normalement, le dossier devrait être versé aux archives de la Somme. Bernard Thomas dit les avoir. Et elles, ils y sont pas. Elles sont cotées, mais la cote est, le dossier est inexistant. Bernard Thomas affirme les avoir eues en expliquant que le dossier aurait été enlevé par la justice à l'arrivée des Allemands en 40 et depuis qu'on l'aurait pu retrouver, il aurait été enfermé, soi-disant, dans une grotte à Yvetot. Alors, c'est possible, hein, dans une grotte, oui. Les dossiers de la cagoule ont bien été retrouvés dans les chiottes du tribunal de l'Espart en 1945, l'Espart en Gironde. Pourquoi pas ? Mais je rappelle quand même que Yvetot, c'est la Normandie, et que Yvetot, c'est un des lieux d'Arsène Lupin. Ça fait très bizarre d'entendre cette version-là, et quand on s'aperçoit de ce que les autres auteurs ont utilisé, c'est les mêmes que les miennes. En particulier Bernard Thomas, c'est-à-dire les archives nationales, série BB18 et BB24, les archives, la Bibliothèque nationale avec la lecture des journaux de Germinal, du Libertaire, du Révolté, et ainsi de suite. Et donc, on a ce fait-là. Parce que, rappelons-nous, c'est quand même une thèse d'historien, finalement, qui est assez complexe. Elle a été soutenue en juin 2006 à l'université de Nancy 2, avec le jury de profs universitaires. Et qui donc est publié sous une forme beaucoup plus attractive qu'une thèse d'université aux éditions de l'atelier de création Libertaire. L'atelier de création Libertaire qui sont présents ici sur le stand du Monde Libertaire à l'espace des Blancs-Moto à Paris. Donc on recevait avec énormément de plaisir Jean-Marc Delpech pour Alexandre Jacob, l'honnête cambrioleur, portrait d'un anarchiste. Il y a aussi donc le film qui s'appelle Pourquoi j'ai cambriolé, et qui n'a pas de diffuseur pour le moment. Non, c'est ça le problème. Comment faire pour le visionner éventuellement? Il faut contacter Laurent Termignon ou Thomas Turner, ou alors qui sont ici présents, hein, vous pouvez pas le rater, il y a une petite barbichette qui se promène. Ou sinon peut-être envoyer un message à Radio Libertaire qui transmettra, ou sur le blog Alexandre Jacob que j'anime grâce aux soins de l'atelier de création Libertaire. Merci. Merci, donc je crois que nous allons avoir un intermède musical. Depuis que le vieux temps et la belle nature ont enfanté le monde et notre humanité. Depuis que le soleil fait naître la verdure, Polo, tu n'as jamais connu la liberté. Les siècles au poids lourd, appesantis par l'âge, ont passé sur le seuil de ton triste réduit. Mais toujours ils ont vu dans leur pèlerinage les polos affamés sous le soleil qui luit. Ne sortiras-tu point de cette léthargie où tu restes courbé sous le fardeau des lois? Dresserais-tu point un trône à l'anarchie, écrasant à jamais la race de bourgeois? Cette race de loups t'impose et t'opprime, exerce sur les tiens ses sales passions, s'abreuve de ton sang, se vautre dans le crime, asservit tes enfants, fusille tes garçons. Plus rien ne t'appartient dans le grand héritage du banquier de la ville, hélas pauvre exilé. L'existence pour toi n'est qu'un cruel outrage et la plainte soupire en ton souffle exhalé. Au fils de l'astre d'or qui te chauffe et t'éclaire, sache que lui pour toi ce globe radieux. Apprends qu'à tous les pas que tu fais sur la terre, tu marches sur ton bien, le bien de tous les gueux. Prolétaire, il est temps de rompre enfin la chaîne que rive sur ton cou la force d'un seigneur. Assouvis en ce jour la vengeance et la haine qui depuis si longtemps envahissent ton cœur. Que ta puissante main, prête pour la bataille, porte partout la mort au rang des oppresseurs. Frappe, frappe toujours d'estoc et de taille jusqu'à l'extinction de tous les affameurs. De tous ces villes bourgeois écorgé dans les villes, offrent en hécatombe aux voraces corbeaux, que toutes les prisons infernales bastillent s'écroulent pour toujours sur leur corps en lambeaux. L'anarchie aujourd'hui doit éclairer le monde, au feu de la révolte allume son flambeau, qu'elle règne partout sur la machine ronde, dont le sang des tyrans colore son drapeau.